simplement. Oh mon pied, rien vraiment de sérieux. Sentiment vinistalé, cadémonie à nous transformer. Comportement en nous changer, mais nous voyons plus sous vent. Mine.